الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. من تقرب منه عاش زكيا سعيدا. Celui qui s'approche de lui mènera une vie paisible et heureuse. ومن ابتعد منه عاش شقيا شريدا. Et celui qui s'éloigne de lui mènera une vie pénible et malheureuse. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. يقول في آية كريمة, il dit dans un verset coranique, يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Les sept cieux proclame sa gloire, ainsi que la terre et tous ceux qui s'y trouvent. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Il n'est rien qui ne proclame sa louange. Walakin la tafqahuna tasbihahum, mais vous ne comprenez pas leur déclamation. Innahu kana haliman ghafura. Il est essentiellement plein de mansuétude et infiniment absoluteur. Akhi, ukhti, frère, sœur, kullu shay'in fil wujud, toute chose dans l'univers, min hajar, wa shajar, wa hayawan, ila akhiri, toute chose parmi les pierres, les arbres, les animaux, etc., yusabbihu lillah, proclame la grandeur et la gloire de Dieu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, gloire et pureté à Dieu et louange à lui, subhanallah al-azim, gloire et pureté à Dieu le Tout-Puissant. At-tabi'a allati allahuha fi 'asrina, la nature qu'ils ont divinisée à notre époque, ja'aluha ilahan, ils ont fait d'elle un dieu. يَخْلُقُ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, un Dieu qui crée et qui fait ce qu'il veut. الطَّبِيعَ هِيَ مَجْمُوعَةَ الْمَخْلُوقَاتِ, la nature n'est que l'ensemble des créatures. الْمَوْجُودَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ, ces créatures qui se trouvent sur la terre et dans les cieux. هَذِهِ الطَّبِيعَ تُسَبِّحُ اللَّهِ, cette nature proclame la gloire de Dieu. بجمادها ونباتها وحيواناتها, chaque élément de la nature, élément de matière immobile ou bien végétation ou bien animaux, tous ils proclament la gloire de Dieu. ذكر القرآن الكريم أن الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام بالعشي والإشراق. الذي قال هذا الكلام هو القرآن, هو الله تعالى وتبارك. الجبال, الجبل يسبح, نعم, الجبال كانت تسبح مع داود بالعشي والإشراق. Le Coran a cité comme quoi les montagnes immobiles proclamaient la gloire et la pureté de Dieu à côté de David, prière et salut sur lui, tôt le matin et le soir. وقال ابن مسعود رضي الله عنه, et ابن مسعود, que Dieu soit satisfait de lui, dit, كنا نسمع, نحن الصحابة, كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الطعام, طعام يسبح, نعم, طعام كان يسبح, وأسمع الله تسبيحه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل, والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ابن مسعود nous dit comme quoi ils entendaient la déclamation du repas lorsqu'ils le mangeaient. Et le hadith est authentique rapporté par البخاري. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Qala alayhi salatu wa salam, il a dit, prière et salut sur lui. Inna Nuhan alayhi salam لما حضرته الوفاة قال لبنيه lorsque Nuh, Noé et prière et saillent sur lui, étaient en train ou avant juste de mourir, a dit à ses enfants, il leur a donné ce conseil, Amurukuma bi subhanallahi wa bihamdi. Je vous recommande cette phrase ou cette formule, subhanallah wa bihamdi. Gloire et pureté à Dieu et louange à lui. Fa innaha salatu kulli shay. Parce que cette formule est la prière de toute chose. Toute chose, ça veut dire les pierres, les arbres, tout, les étoiles, tout. Fa innaha salatu kulli shay'in wa biha yurzaqu kulli shay. Et grâce à cette formule, toute chose reçoit sa subsistance. Subhanallahi wa bihamdi. Al hadith rawahu l'imam Ahmed. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Wa rawahu kadalik ibn Mirdawayh. Sayyidi, amir al-anbiya, maître, émir des prophètes. Sallallahu alayka adada nujoumi sama. Que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel. Wa rimal al-sahra et au nom des sables du désert. Wa awladi adama wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayouha al-ikhwatu wa al-akhawatu fil islam. Après cela, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa aska salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana al-an fi fasli al-shita. On est actuellement dans la saison d'hiver. Fasli al-burud al-quswa, saison du froid glacial. Wa mundu bidayat al-shita, mata fi Faransa wa fi al-alam al-kathir min al-nas bil-bard. Et depuis l'arrivée de la saison d'hiver, en France et un peu partout dans le monde, il y a eu plusieurs décès ou plusieurs morts ou femmes qui ont été mortes à cause ou sous le poids du froid. Et la question que je me pose aujourd'hui, à quoi pense-t-il ou doit penser le musulman lorsqu'il sent le froid qui touche son corps? وقبل الجواب عن هذا السؤال avant de répondre à cette question, أسافر بحضراتكم عبر الزمن, je vais vous faire voyager à travers le temps, لنجلس مع ابن عمر رضي الله عنه وهو أمام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها سؤالا, pour assister, pour s'asseoir à côté du fils de Omar, que Dieu soit satisfait de lui, qui était face à notre mère, la mère des croyants, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète, prière et salut sur lui. Akhbirina bi a'jaba ma ra'aytihi min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ô Aïcha, informe-nous de la chose extraordinaire que tu as vue auprès du prophète, prière et salut sur lui. Fabakat, elle a pleuré. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était déjà décédé depuis des années. Fabakat, elle a pleuré. Wa qalat, kullu amrihi kana ajaban. Tout ce qu'il faisait, sa réponse, tout ce qu'il faisait était extraordinaire. Atani fi laylati, tahki an marra, il va nous raconter une parmi plusieurs choses extraordinaires du prophète, prière et sage lui. Atani fi laylati. في الليلة التي من حقها لأن كانت عنده عدة نساء أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي. Il m'est venu une fois jusqu'au point que sa peau, son corps a touché le mien. ثم قال, et après il a dit, ذريني أتعبد لربي وعز وجل. Laisse-moi. Et après ceci, il a dit, laisse-moi, ô Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur, le Tout-Puissant. Wa fi riwaya, et dans une version, at'adhanina li ya Aisha an a'buda rabbi. Et dans une autre version, le prophète a dit, ô Aisha, m'autorises-tu à adorer mon Seigneur. يطلب الإذن من زوجته لأن زوجته لها حق عليه. Il demandait l'autorisation, la permission à Aïcha parce que la femme a un droit sur son mari. قالت, elle dit, ça veut dire Aïcha, فقلت والله إني لأحب قربك. Elle dit au messager de Dieu, par Dieu le Tout-Puissant, j'aime ta proximité, ça veut dire je préfère te garder à côté de moi. J'aime ta proximité. إني لأحب قربك يا رسول الله. وإني أحب أن تعبد ربك. Mais en même temps, j'aime que tu adores ton Seigneur. فقام, il se leva. فتوضأ, il a fait ses ablutions. ثم قام يصلي. Et par la suite, il se leva dans sa prière en train de prier Dieu subhanahu wa ta'ala. فبكى حتى بل لحيته. Et il a pleuré jusqu'au point de tremper sa barbe. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في صلاته. Imagine avec moi mon frère ou ma soeur, le prophète prière et s'ajouit debout dans sa prière face à son Seigneur. أمام ربه يقرأ القرآن, en train de réciter la parole divine, la parole sacrée coranique. ويبكي, est en train de pleurer, حتى ابتلت لحيته من دموعه, jusqu'au point que sa barbe est devenue trempée par ses larmes. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها, notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, ثم سجد, et après cela, il s'est prosterné, فبكى في السجود حتى بل الأرض. Et pendant la prosternation, il a pleuré jusqu'au point d'humidifier le sol. أرأيتم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Avez-vous vu comment a été la prière du prophète, prière et sajouli. ثم اضطجع على جنبه, انتهى من الصلاة واضطجع على جنبه, نام على جانبه. Et après la prière, il s'est couché sur son côté, فبكى, et il a pleuré, حتى إذا أتى بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح. Et jusqu'au point, il a pleuré jusqu'au point que Bilal, que Dieu soit satisfait de lui, est venu pour lui indiquer l'arrivée ou l'entrée de l'heure de la prière de l'aube. قال يا رسول الله. Il a dit au messager de Dieu. Mayoubri, qu'est-ce qui te fait pleurer? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Il lui dit, ô messager de Dieu, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et ton Seigneur t'a pardonné tous tes péchés antérieurs et postérieurs. فَقَالَ, il a répondu, وَيْحَكَ يَا بِلَال, gare à toi, ô Bilal, وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَبْكِي, وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. Et qu'est-ce qui m'empêche de pleurer? Et mon Seigneur m'a révélé pendant cette nuit ce verset. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes évidents pour ceux qui sont doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مش يتفكرون في الدنيا مثلنا قياما وقعودا وعلى جنوبهم وحتى في أحلامهم بليلهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui évoquent Dieu debout, assis ou sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, notre Seigneur, tu n'as point créé tout cela en vain, gloire et pureté à toi, préserve-nous donc du supplice du feu. Thumma, qala sallallahu alayhi wa sallam, waylun liman qara'aha, malheur à celui qui va réciter ou qui va lire ces versets coraniques, wa lam yatafakkar fiha, sans méditer sur elle. Rawahu ibn, sans méditer sur ces versets coraniques. Rawahu ibn Mirdawai, ibn Abi Hatim, ibn Hibban. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'a as-sama', et prière et sajoud sur lui, lorsqu'il regardait, lorsqu'il contemplait le ciel, kana yaqul, Rabbana ma khalaqta hada, ربنا ما خلقت هذا السماء، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. Et à chaque reprise que le prophète priait et s'ajouait, regardez le ciel, il répétait ce verset, cette prière coranique, notre Seigneur, tu n'as point créé tout cela en vain, gloire et pureté à toi, préserve-nous donc du supplice du feu. فالسماوات والأرض وما فيهن, les cieux, la terre et leur contenance. والليل والنهار, et le jour et la nuit. الطبيعة بكل ما فيها آيات, la nature et toute sa contenance constituent des signes de la grandeur de Dieu, des signes de la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Les ulul uqul, mais ceci uniquement pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ulul albab, ulul uqul, ulul afham. Wa laysa hunaka shay'un yujad kabiran aw saghiran khalaqahu Allah batilan. Ma fi shay'. مثلا الانسان يقول الذبابه ايش دورها؟ خلقها الله باطلا، لا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما في شيء خلقه الله باطلا هكذا، لكل شيء في الدنيا وفي الوجود دور يقوم به، عباده يعبد الله تعالى وتبارك بها، تسبيح يسبح الله تعالى وتبارك به. Il n'y a pas dans l'univers entier, dans le monde entier, une chose petite ou grande qui a été créé par Dieu subhanahu wa ta'ala en vain. Kullu shay'in fil wujud aya min ayati Allah. Toute chose qui existe dans l'univers est un signe parmi les nombreux signes de Dieu. Tadullu 'ala Allah, un signe qui indique Dieu. Tadullu 'ala 'azamati Allah, un signe qui indique la grandeur de Dieu. Comme l'a dit le poète Abu al-Atahiyya rahimahullah, Abu al-Atahiyya, que Dieu l'englobe de sa miséricorde, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu, et en toute chose il y a pour lui un signe qui indique qu'il est l'unique. الذين يفهمون هذا الكلام هم عباد الله. Ceux qui vont comprendre ce genre de paroles sont les serviteurs de Dieu. الذين لا ينسون الله في كل الحالات, qui n'oublie pas, ceux qui n'oublient pas Dieu dans toutes les circonstances, dans tous les états, dans toutes les situations, قياما lorsqu'ils sont debout, وقعودا lorsqu'ils sont assis, وعلى جنوبهم et lorsqu'ils sont allongés sur leur côté, هم دائما ابدا مع الله, ils sont toujours avec lui, avec Dieu. يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ils pensent, ils réfléchissent, ils méditent sur la création des cieux et de la terre, وَمَا فِيهِنْ, et sur leur contenance, ذِكْرٌ وَفِكْرٌ, un rappel et après une réflexion, وَفِكْرٌ وَذِكْرٌ, et une réflexion et un rappel. يَنْظُرُونَ إِلَى الْمَخْلُوقَاتِ حَوْلَهُ فَيَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ, ils regardent les créatures autour d'eux et automatiquement ils se rappellent de Dieu subhanahu wa ta'ala. يَتَذَكَّرُونَ الْخَالِقِ, ils se rappellent grâce aux créatures du Créateur. ثُمَّ مُبَاشَرَةً يَسْأَلُونَهُ الْوِقَايَ مِنَ النَّارِ, et automatiquement ils demandent à leur Créateur de les préserver des flammes du feu. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا يَا سَيِّدِي قِنَا عَذَابَ النَّارِ, ô Seigneur, tu n'as point créé tout cela en vain, gloire et pureté à toi, préserve-nous donc du supplice du feu. تفكر الإمام الحسن البصري, البصري رضي الله عنه, l'imam al-Hasan du Bassora, que Dieu soit satisfait de lui, dit تفكر ساعة خير من قيام ليلة, la réflexion, la méditation pendant une heure est meilleure que la prière d'une nuit. نعم, تفكر ساعة خير من عبادة ليلة مع السهو وعدم التركيز. تفكر ساعة بالتركيز خير من عبادة سنة أو عبادة ليلة مع السهو وعدم التفكر. Donc la méditation, la réflexion d'une heure est meilleure, avec concentration, est meilleure que l'adoration pendant une nuit, mais avec l'oubli et avec la distraction. فالتفكر عبادة في الإسلام la méditation, la réflexion, le raisonnement est une adoration en islam. قال الله تعالى وتبارك في آيتين بصورتين مختلفتين. Dieu a dit à deux reprises, c'est-à-dire dans deux versets coraniques différents, qui se trouvent dans deux chapitres différents, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا. Ne méditent-ils donc pas, ou bien n'ont-ils pas réfléchi? وقال سبحانه وتعالى في آية. Et Dieu a dit dans un autre verset coranique, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. N'ont-ils pas contemplé le royaume supérieur des cieux et de la terre et toutes choses que Dieu a créées? وَقَالَ تَعَالَى. Il a dit aussi de la même manière dans un autre verset coranique, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. انظروا كيف خلقت المخلوقات حولكم ومن بينها الإبل. ولكن انظر حتى للزرافة وانظر حتى للضفدعة وانظر حتى للبعوضة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ne voit-il donc pas les chameaux comment ils ont été créés. وإلى السماء كيف رفعت. Ni le ciel comment il a été élevé. وإلى الجبال كيف نصبت. Ni les montagnes comment elles ont été dressées. وإلى الأرض كيف سطحت رغم أنها مكورة. Ni la terre, comment elle a été aplanie. والذي لا يستعمل عقله وفكره في المخلوقات المحيطة به. Celui qui m'envie, mais sans prêter attention, sans réfléchir aux créatures qui l'entourent, يصبح كالحيوانات. Il devient comme un animal. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Les pires des bêtes auprès de Dieu sont les sourds, muets, qui ne raisonnent pas. ومن أصبح كالحيوان. Celui qui se transforme ou qui devient un animal. من أصبح كالحيوان فلن يرى آيات الله. Ne regardera pas les signes de Dieu. وقال الله. Et Dieu a dit dans un autre verset, وَكَأَيِّمْ مِنَا يَتِمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ أَمَامَهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. يعني لا يتفكرون لا يتذكرون بها. Combien y a-t-il des signes évidents dans les cieux et, de la, et la terre devant lesquels ils passent en s'en détournant, c'est-à-dire sans réfléchir. Donc c'est la chose qu'on demande ou que Dieu a demandé aux croyants, qu'il ne soit pas comme un aveugle devant les signes nombreux de Dieu. Le but de ces créatures autour de toi, le but de ces signes de Dieu autour de toi, c'est que tu te rappelles enfin de Dieu. Que tu n'oublies pas Dieu. Akhi, ukhti, frère, sœur, ta'alaw bina, nurafiq Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y, accompagner le prophète, prière et salut sur lui. Linara ba'd al-amthila min hayati, afin de voir quelques exemples de sa vie. Kana sallallahu alayhi wa sallam fi al-sabah qabla tulu' al-shams wa fi al-masa' qabla ghurubiha yadhkuru Allah ta'ala wa tabarak. Il évoquait Dieu, prière et salut sur lui, il évoquait Dieu le Très-Haut chaque matin avant le lever du soleil et chaque soir avant le coucher du soleil. يذكر الله تعالى وتبارك. لما يرى آية الشروق, الشروق الشمس تشرق هكذا آية من آية الله. Lorsqu'il voyait le signe divin du lever du soleil, وآية الغروب, et lorsqu'il voyait le soir le signe divin du coucher du soleil, آية اختلاف الليل والنهار, le signe de l'alternance du jour et de la nuit, يذكر الله بأذكار كثيرة ومختلفة, il évoquait Dieu avec plusieurs formules. Kama amarahu rabbuh, exactement comme Dieu le lui a demandé, wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, récite la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Wa idha ra'a ar-rih, et lorsqu'il voyait le vent, ذكر الله, il évoquait automatiquement Dieu. وقال, et il disait الله, نحن نرى الريح ويني هكذا ما نفكر في شيء, يعني الريح أتت من عندي نفسها وليست مرسلة من الله تعالى وتبارك, الله هو الذي يرسل الرياح, إذا رأيت الريح فأنت أمام رسول من رسل الله تعالى وتبارك, تذكر الله يا أخي. كان إذا رأى الريح, lorsque le prophète prière et s'assoit, remarquait la présence du vent, كان يقول اللهم اجعلها رحمة, ô mon Seigneur, fais du vent une clémence, une miséricorde, ولا تجعلها عذابا, et ne fais pas de lui un châtiment. مليون ونصف من البيوت لم يكن لها كهرباء بجنوب فرنسا, اطر هذا الرسول الريح, ولا تجعلها عذابا, اجعلها رحمة. الريح تأتي بالرحمة, تأتي بالأمطار, تأتي بالغيوم, ولكن ممكن أن تأتي بالعقوبة, يا رب لا تجعلها عقوبة. وتذكر العذاب الذي أصاب قوم هود عليه السلام, et il se rappelait automatiquement du châtiment qui était versé ou qui a touché le peuple de Houd. Prière et sagerie. وإذا سمع الرعد, lorsque le prophète, prière et sagerie, entendait le tonnerre, ذكر الله قائلا, il évoquait Dieu par cette formule, Allahumma la taqtulna bi ghadabik, ô notre Seigneur, ne nous tue pas par ta colère, wa la tuhlikna bi adabik, et ne nous extermine pas par ton châtiment, wa afina qabla dhalik, et épargne-nous de tout cela avant. Wa qala, yani qala Allah ta'ala wa tabarak, Dieu le très haut dit, ويسبح الرعد بحمده, يعني هذا الصراخ الذي يأتي من السماء, يعني نظن أنها هكذا, يعني غيوم تصطدم بغيوم, لا, هي فعلا تصطدم ولكن تسبح الله تعالى وتبارك. قال الخالق الذي خلق الغيوم, ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته, le tonnerre déclame sa gloire et sa louange, ainsi que les anges sous l'effet de sa crainte. وعند نزول المطر, lorsque le prophète prière et s'assoit, regardez la pluie qui tombait, كان يذكر الله, il évoquait automatiquement Dieu, ويقول اللهم صيبا نافعا, لأن الماء ممكن أن يهلك, لا صيبا مهلكا, اللهم ماء, اللهم صيبا نافعا, il disait, oh notre Seigneur, fais de cette eau ou de cette pluie une eau utile. رواه الإمام البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. ويقول لأصحابه, et il disait à ses compagnons, بأن الدعاء مستجاب عند نزول المطر, il leur disait comme quoi le dua, les invocations, les prières, les vœux formulés à Dieu sont exaucés au moment de la tombée de la pluie. أرأيتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم, avez-vous remarqué comment le prophète prière et sagerie interagissait avec la nature qui l'entourait ou avec les créatures qui étaient autour de lui. رأيتم كان يتعامل يتجاوب مع الطبيعة, وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يذكر الله قائلا, et lorsque le prophète remarquait dans le ciel le nouveau croissant de lune, كان يقول, il disait اللهم أهله علينا, هذا الهلال, اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام, ربي وربك الله, يا هلال, ربي وربك الله, رواه الإمام الترمذي. Et lorsqu'il regardait le nouveau croissant de lune, le prophète صلى الله عليه وسلم disait, oh notre Seigneur, amène-le accompagné de la bénédiction, de la foi, de la sûreté, de l'islam, mon Seigneur et le tien et Dieu. Ça veut dire, au croissant de lune, mon Seigneur et le tien s'appelle Allah. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى السماء قال ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى وجهه في المرآة ذكر الله. Lorsque le prophète prière et s'assoit regarder son visage, son propre visage, à travers une glace, il disait « Allahumma anta hassanta khalqi, hadihi surah al-jamila, anta alladhi hassantaha ya Rabb, fahassin khuluqi, wa harrim wajhi ala an-nar. » Yani « A'taytani wajhan jamilan, Allahumma a'tini tab'an wa khuluqan jamilan, wa harrim hadha al-wajh al-jamil ala an-nar. » Ô Seigneur, tu m'as créé en me donnant un bon aspect. Ô mon Seigneur, embellis mon caractère et interdis mon visage au feu ou bien aux flammes du feu. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha rakaba dabbatan dhakara Allah qailan. Lorsqu'il montait à bord de son chameau une monture, il disait subhanalladhi sakhara. Yani kul shay andu maqrun billah ta'ala wa tabarak. Kul ma yara, kul ma ya'ish. يربطه مباشرة مع الخالق سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذه الدابة وما كنا له مقرنين gloire et pureté il disait gloire et pureté à celui qui nous a soumis celle-ci et nous n'étions pas capables de le faire وإنا إلى ربنا لمنقلبون ويربط هذه بلقاء الله تعالى وتبارك وبالرجوع إلى الله تعالى وتبارك certainement c'est vers notre Seigneur que nous allons retourner. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يذكر الله lorsqu'il entrait chez lui il évoquait Dieu وإذا خرج يذكر الله et lorsqu'il sortait de chez lui il évoquait Dieu وقبل الأكل وبعد الأكل يذكر الله يابون يابخي لمنجي il évoquait Dieu وإذا التقى بصاحب lorsqu'il rencontrait un ami ذكر الله il évoquait Dieu وعند فراقه يذكر الله et lors de la séparation avec un ami il évoquait Dieu وإذا عطس ذكر الله et même lorsqu'il éternuait il évoquait Dieu وإذا فرح ذكر الله et lorsqu'il se sentait joyeux il évoquait Dieu. Wa idha ktab dhakara Allah, et lorsqu'il s'angoissait, il évoquait Dieu. Wa idha dakhala al-maqbara dhakara Allah, lorsqu'il entrait, lorsqu'il visitait un cimetière, il évoquait Dieu. Wa idha dakhala as-souq, as-souq fi al-bay', khallina min al-islam wa min ad-din, nbi'u wa nshrou. Wa idha dakhala as-souq dhakara Allah, lorsqu'il entrait même dans le marché qui est fait pour le commerce et non pas pour l'adoration, lorsqu'il entrait dans un marché, il évoquait Dieu. Qabla labsi thiyabihi ذكر الله avant de s'habiller de porter ses habits il évoquait Dieu قبل النوم يذكر الله avant de dormir il évoquait Dieu عند الاستيقاظ يذكر الله lorsqu'il se réveille le matin sain et sauf vivant il évoquait Dieu إذا دخل إلى المرحاض ذكر الله avant d'entrer ou après sortir des toilettes il évoquait Dieu بعد الخروج من المرحاض يذكر الله حتى في فراش النوم même sur le lit dans sa chambre à coucher. قبل الجماع, avant une relation intime avec l'une de ses femmes, يذكر الله, il évoquait Dieu. باختصار, كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل لحظة من حياته. Brièvement, prière et salut sur lui, il évoquait Dieu à tout instant de sa vie. Presque, il n'y avait pas une seconde qui passait dans sa vie de prophète sans qu'il évoquait Dieu. حتى إذا نسي حتى إذا نسى يذكر الله même dans le cas d'oubli lorsqu'il oublie de le faire juste après de se rappeler il évoquait Dieu après l'oubli لقوله تعالى parce que Dieu lui a dit dans un verset واذكر ربك إذا نسيت évoque le nom de ton Seigneur en cas d'oubli فكان صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين et ainsi il était prière et sagesse le maître des évocateurs. كان صلى الله عليه وسلم على اتصال دائم مع الله. Il était en liaison directe et permanente avec Dieu. Il ne voulait pas que sa liaison se coupe. كما قال تعالى, comme Dieu lui a dit ça, واذكر ربك كثيرا, évoque beaucoup le nom de ton Seigneur. كان يجعل من الطبيعة المحيطة به وسيلة لذكر الله. Le prophète prière et sagesse faisait de la nature qui l'entourait un moyen qui le rappelait automatiquement de Dieu. Akhi, ukhti, frère, sœur, inna nabi, alayhi salatu wa salam, qudwatuk. Frère ou sœur, le prophète prière et sagesse est ton modèle, est ton exemple que tu dois suivre. Fahawil an taf'ala mithlahu. Essaye, frère ou sœur, de faire comme lui. Wa fi akhir al-kalam. أوصيكم ونفسي بتقوى الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله سيرفيتور دو ديو نعود لنطرح السؤال الأول on va revenir pour poser la première question في أي شيء يفكر المسلم حينما يحس بالبرد بالبرودة à quoi doit-il penser le musulman lorsqu'il ressent le froid والجواب يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم la réponse nous est apportée par أبو هريرة de la part du prophète prière et sagesse qui a dit اشتكت النار إلى ربها فقالت l'enfer s'est plaint à son Seigneur pour dire ربي أكل بعضي بعضا Ô Seigneur, les unes de mes parties ont causé la détérioration des unes de mes autres parties. فَأَدِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ Et Dieu lui a autorisé de dégager deux souffles. نَفَسٍ فِي الشِّتَاء Un souffle en hiver. وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ Et un autre en été. فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِ Et c'est le maximum que vous rencontrez de canicule. وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ Et c'est le maximum que vous rencontrez comme froid glacial. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Unanimement authentique. Al-Bukhari et Muslim et d'autres. أخي, أختي, frère, sœur. Al-Bard, الذي تحس به الآن, le froid que tu sens maintenant, pendant ces jours, pendant ces mois, est-il min jahannam, est venu directement de la GN. Bard al-Shita, le froid de l'hiver, Rasulun khas, min Allah ta'ala wa tabaraka ilayka anta wa ilayya ana wa ilal akhar, est un envoyé spécial, le froid est un envoyé spécial de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala pour toi. Yudhakkiruka bi jahannam, il te fait rappeler la GN. Yudhakkiruka billah, il te fait rappeler Dieu. Yaqulu laka ittaqillah, lorsqu'il te pince comme ça, lamma ya'addak hakada, yaqulu laka ittaqillah, il te dit crains pieusement Dieu. Bardu shita, yaqulu lak, le froid glacial d'hiver te dit ya muslim, ya muslima, au musulman, au musulman, ana namoud as-saghir, je suis un petit échantillon. Min al-burud al-quswa al-mawjuda fi jahannam, du froid glacial qui se trouve dans la GN, allati tantadir al-usat, la GN qui attend les pêcheurs. Ya muslim, ya muslima, au musulman, au musulman, idha lam tasbir alayya رغم اللباس والتدفئة, si tu es incapable de me supporter malgré les habits, malgré le chauffage, فتوقف عن الدروب, stop donc tes péchés. وإلا فكيف ستفعل في جهنم, sinon comment vas-tu faire dans la GN, من غير لباس وغير تدفئة, et dans la GN il n'y aura pas d'habits, il n'y aura pas de chauffage. أخي أختي, frère, sœur, لا تنظر إلى البرد أو البرودة على أنه مجرد مظهر من مظاهر الطبيعة في فصل الشتاء. Surtout, frères ou sœurs, ne regarde pas le froid comme un simple aspect parmi les aspects de la nature en hiver. لا تقول هذا شيء طبيعي وعادي. لا, هذا شيء إلهي. جاء لسبب. Ne dis surtout pas que c'est une chose naturelle, ordinaire, mais plutôt c'est une chose divine qui est venue pour quelque chose. « La takun min alladina nasullah » Ne sois pas parmi ceux qui ont oublié Dieu. « La takun min alladina ansathumul makhlouqat wa tabi'a »« Ansathumullah » Ne sois pas parmi ceux qui ont oublié Dieu à cause de la nature et des créatures. La takun min alladhina hajabathum at-tabi'a an ru'yatillah, ne sois pas parmi ceux qui ont été empêchés de voir Dieu à cause de la nature et des créatures. Undur ila Allah, regarde plutôt Dieu, yani undur ila quwwat wa 'azamat Allah min khilal atharihi fi khalqihi wa fi at-tabi'a allati tuhit bik. Ceci signifie regarde la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu à travers sa création et à travers la nature qui t'entoure. Akhi, ukhti, frère, sœur, iftah 'aynayk amama ayati Allah, ouvre grand tes yeux devant les signes de Dieu. La takun min al-ghafilin, ne sois pas parmi les inattentifs. Falbardu ayatun min ayatillah, le froid n'est qu'un signe parmi les signes de Dieu. La takun min alladhina qala Allahu anhum, ne sois pas parmi ceux pour lesquels Dieu a dit wa inna kathiran min an-nasi 'an ayatina laghafilun, certes beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Akhi, ukhti, frère, sœur, كُنْ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ Sois parmi les gens doués d'intelligence. كُنْ مِنَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Sois parmi ceux qui évoquent Dieu dans la position debout, assise ou sur leur côté. كُنْ مِنَ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Sois parmi ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre. كُنْ مِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَمَامَ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ مَطَرٍ Sois de ceux qui disent devant les signes de Dieu, par exemple devant la pluie, Al-Ra'd devant le tonnerre, Al-Barq devant l'éclair, Al-Sahab devant les nuages, Al-Harara devant la chaleur, Al-Barq devant le froid, Al-Telj devant la neige, Amam al-Rih devant le vent, Amam al-Sama devant le ciel, Amam al-Shams wal-Qamar devant le soleil, la lune, Amam al-Nujum devant les étoiles, Min layl wa nahar devant le jour, devant la nuit, ila akhirah, etc. Yaqulun, ils disent, Rabbana. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار devant tout cela ces gens disent notre Seigneur tu n'as point créé tout cela en vain gloire et pureté à toi préserve-nous donc du supplice du feu تقول الآية le verset suivant va dire فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Le verset suivant dit, où Dieu dit dans ce verset, leur Seigneur répondit aussitôt à leur prière, je ne laisse perdre l'œuvre d'aucun bienfaiteur parmi vous, homme ou femme, vous dérivez les uns des autres. Akhi urti, frère ou sœur, ô anfusakum min adab jahannam, préservez-vous du châtiment de la Gehen, min burud al-jahannam, du froid glacial qui se trouve dans la Gehen. On a une idée que dans la Gehen, il n'y a que le feu et la chaleur. Non, il y a aussi le froid glacial. يعني عندنا فكرة أن جهنم فيها فقط الحرارة. لا يا أخي فيها الحرارة وفيها حتى البرودة. بابتعادكم عن الذنوب, en vous éloignant, préservez-vous du châtiment de l'enfer, en vous éloignant des péchés. والبعد عن الذنوب لا يعني فقط البعد عن الذنوب الكبيرة. Et lorsqu'on dit on s'éloigne des péchés, ceci ne signifie pas qu'on s'éloigne uniquement des grands péchés. كالزنا كم لادولتير الخمر لالكول السحر لسورسيلغي إلى آخره إكسترا فهذه الذنوب كل المؤمنون يحترزون كل المؤمنين يحترزون منها parce que ces énormes péchés tous les musulmans prennent soin de les éviter ولكن إحضار الذنوب التي لا نلقي لها بالا mais mes frères ou mes sœurs méfiez-vous des petits péchés pour lesquels on ne donne pas grande importance ولكنها تؤدي إلى جهنم mais qui mène en même temps vers la جهنم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك le prophète prière et sur lui nous donne un exemple pour cela وإن العبد ليتكلم بالكلمة يعني كلمة مش زنا هذه أو خمر يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا certes le serviteur prononce le mot un mot pas l'adultère ou l'alcool non un mot qu'il prononce qui fait partie de la colère de Dieu sans lui donner une importance لا يلقي لها بالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم le prophète conclut il chute à cause d'elle à cause de ce mot à cause de lui dans la GN يهوي بها في جهنم رواه مالك والبخاري والنسائي والحاكم rapporté par l'imam Malik al-Bukhari al-Nasa'i al-Hakim wa fi riwayah yahwi biha 70 kharifan fi an-nar dans une version le prophète dit il chute à cause de ce mot 70 automnes dans l'enfer c'est-à-dire 70 ans sans toucher le fond fal insan يقول كلمة لا يلقي لها بالا l'individu prononce un mot sans lui prêter une attention كلمة ليضحك بها الناس un mot pour faire rire les autres أو كلمة كذب un mot de mensonge أو غيبة أو de médisance أو كلمة حرام أو un mot interdit أو كلمة سب أو un mot d'insulte أو كلمة يجرح بها شعور أخي المسلم أو un mot avec lequel il blesse le sentiment de son frère musulman ومن حيث لا يشعر et sans se rendre compte يهوي في جهنم بكلمة واحدة il chute dans les profondeurs de la GN à cause d'un seul mot فما بالك وأكثر كلام المسلمين اليوم حرام et que dire et la majorité des paroles des musulmans aujourd'hui fait partie dans le domaine de l'interdit فالحذر الحذر قبل الوقوع في الخطر donc méfiance méfiance avant d'être en plein danger أخي أختي frère sœur إذا كان أصحاب جهنم يتعذبون في الحر الشديد si les gens qui se trouvent ou qui seront en enfer souffrent ou souffrent du grand de la grande chaleur wa yata'addabuna fil bard al-shadid al-zamharir et ils souffrent aussi du froid glacial qui s'y trouve. Fil muqabil, en parallèle, fa inna Allah yaqulu an ashabil jannah, Dieu dit à propos des gens du paradis, la yarawna fiha shamsan, yani ma fiha harara, la yarawna fiha shamsan wala zamhariran wala buruda. Il n'y voit ni soleil ni froid glacial. وَبِهَذَا نَعُودُ مِنْ سَفَرِنَا مِنْ هُنَاكِ إِلَى هُنَا. Et maintenant, on revient de notre voyage de là-bas vers ici. وَالْوَصِيَّ est le testament. حَاوِلْ أَخِي أُخْتِي أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Essaye, frères ou sœurs, d'être parmi les gens du paradis. وَفَقَنَا اللَّهُ جَمِيعًا. Que Dieu nous aide tous. اللَّهُمَّ إِنِّي دَاعٍ فَأَمِنْ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب نسألك بك, يا رب نسألك في هذا اليوم, نسألك بك أنت يا الله. اللهم اجعلنا مع الذين أو من الذين يتفكرون طول حياتهم في خلق السماوات والأرض. يا رب اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اجعلنا من الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب لا تجعلنا مثل الحيوانات, نرى البرد, نرى الحرارة, نرى الطبيعة, نرى آثارك في كونك فلا نفكر في الملك ونبقى كالبهائم. يا رب لا تجعلنا من البهائم, اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك مع كل نفس ومع كل لحظة من لحظات حياتهم. اللهم نسألك في هذا اليوم أن ترحم عبادك المؤمنين في كل بلادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم الجليل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.